Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de ce 9 novembre 2017. Quelques grands titres pour commencer. Les juges de la Cour pénale internationale autorisent l'ouverture d'une enquête sur des crimes relevant de sa compétence qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays depuis le 26 avril 2015. Et la radio Isanganiro a débuté ce jeudi la diffusion à 13h30 de ses journaux parlés en Kiswahili. Le directeur de cette station explique qu'il s'agit de répondre à un souhait longtemps exprimé par beaucoup de nos auditeurs et surtout de mieux s'intégrer dans la communauté est-africaine où beaucoup de gens parlent cette langue. Et les députés s'indignent que les lois votées ne parviennent pas à la population du fait qu'elles sont rédigées en français. Ils ont exprimé ces inquiétudes ce mercredi en assemblée plénière lors de l'analyse du projet de loi relatif à l'insolvabilité du commerce. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, je venais de vous le dire. Les juges de la Cour pénale internationale autorisent l'ouverture d'une enquête sur des crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays depuis le 26 avril 2015 et jusqu'au 26 octobre 2017. La Chambre préliminaire a conclu que la Cour était compétente à l'égard de crimes qui auraient été commis pendant que le Burundi était un État parti au statut de Rome. Le Burundi a été un État parti de la date d'entrée en vigueur du statut à son égard le 1er décembre 2004, à la fin de l'année suivant l'annonce de son retrait le 26 octobre 2017. Ce retrait a pris effet le 27 octobre 2017. La Cour demeure compétente donc à l'égard de tout crime relevant de sa juridiction s'il a été commis jusqu'au 26 octobre 2017 inclus, et ce malgré le retrait du Burundi. Visiblement, la décision rendue publique ce jeudi 9 novembre est antidatée, mais cette Cour explique que la Chambre préliminaire 3 a dans un premier temps rendu sa décision sous scellé le 25 octobre 2017. Et après avoir ordonné au procureur de lui fournir des renseignements supplémentaires, elle a accepté à titre exceptionnel que la procédure relative à la demande d'autorisation d'enquêter soit menée sous scellé avec la participation du seul procureur pour atténuer les risques pesant sur la vie et le bien-être des victimes et des témoins potentiels. En outre, à titre exceptionnel toujours, elle a autorisé le procureur à repousser de 10 jours ouvrables la notification de l'ouverture de l'enquête aux États normalement compétents à l'égard des crimes allégués, afin qu'ils puissent préparer et mettre en œuvre des mesures de protection pour pallier les risques potentiels pesant sur les victimes et les témoins potentiels. Dans un tweet, le chargé de la communication à la présidence de la République, Willy Nyamitwe, a déclaré que la tricherie de la CPI est en marche et que le Burundi sortira vainqueur de cette bataille. La radio Isanganiro a commencé la diffusion du journal parlé en Swahili ce jeudi 9 novembre à partir de 13h30. Sylvain Nakarutimana, directeur de notre station, a indiqué que c'est dans le cadre de renforcer l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine, vu l'importance de la langue Swahili dans cette communauté. Il fait également savoir que c'est pour répondre aux multiples demandes du public qui parle Swahili, que ce soit au niveau national ou régional, qui a aussi besoin d'être informé. Suivez Sylvain Nakarutimana. Il est au micro de Didier Nyonzima. Nous avons mis ce programme sur pied parce que nous nous considérons comme assez adultes pour essayer de diffuser en langue swahili sans entrer dans le développement institutionnel de la radio. Et c'est suite notamment à la demande du public qui réclamait chaque fois des éditions en swahili et d'autres productions radiophoniques dans cette langue. Et donc c'est dans le but de satisfaire ce public qui avait tant besoin de nous écouter en swahili que nous avons mis ce programme en place. L'autre élément, vous savez que le Burundi fait partie de la communauté est-africaine et la langue swahili est parlée par beaucoup de populations des pays qui sont membres de cette communauté et nous espérons que le swahili va aider les Burundais à s'intégrer de façon effective dans cette communauté est-africaine. Vous savez que les échanges se font essentiellement par le langage et si nous parlons le swahili et que nous pouvons être écoutés, entendus, lui est compris par les membres de la communauté est-africaine, c'est facile pour les Burundais de s'intégrer effectivement et de pouvoir interagir avec les populations des pays de la communauté est-africaine. Certains auditeurs pourraient s'interroger, qu'est-ce qui a motivé justement la mise sur pied de ce programme actuellement et non pas ces dernières années? Il faut se situer dans l'évolution institutionnelle parce que lorsque nous avons commencé, il était très difficile de commencer avec tous les programmes à partir du moment où on commence normalement avec peu de ressources et avec peu de ressources, on essaie de gérer ces ressources de façon optimale. Et aujourd'hui, nous constatons que les ressources que nous avons aujourd'hui au niveau des ressources humaines, nous pensons que ce sont des ressources suffisantes pour commencer ce programme. Il était peut-être difficile de commencer ce programme sans journaliste qui puisse travailler dans la langue swahili. Maintenant que nous constatons que nous avons ces journalistes ici à la radio, Isanganiro, nous pensons que ces journalistes peuvent aider à ce que le public swahilophone puisse avoir des éditions en swahili et d'autres productions radiophoniques en swahili. Voilà, c'était le directeur de la radio Isanganiro, Silver Nakarutimana, au micro de Didier Niyonzima. Et le parti Sawanya Frodebout déplore la manière dont le travail de proposition d'un projet de constitution amendé est en train d'être mené. Léonce Ngendakoumana estime que le gouvernement s'immisce en quelque sorte dans le travail de la commission qui a ce travail. Il affirme que c'est plutôt un projet d'un groupe d'individus. Suivez Léonce Ngendakoumana. C'est un programme de quelques individus, nommés pas du gouvernement, qui ont déjà pris l'option de refuser l'accord d'Arusha et la constitution qui est née ici pour s'éterniser au pouvoir. C'est pour cette raison qu'on a dû passer par la CNDI et par cette commission. Les objectifs visés restent les mêmes. Amender la constitution de manière à supprimer les mandats dans la constitution, rejeter la référence à l'accord d'Arusha dans cette constitution, ça veut dire rejeter les acquis de l'accord d'Arusha et référez-vous à ce qui se dit. Des personnalités ou certains membres d'un parti politique plutôt qui s'arrogent le droit de dire bon, nous avons accédé à ce pouvoir difficilement, on ne le quittera pas. Est-ce que vous pensez que ces gens, ces personnalités-là, peuvent laisser une constitution qui consacre un système politique inclusif rester comme tel? Mais on évoque qu'il faut en quelque sorte renforcer la démocratie. Ces propositions restent la propriété privée de ceux-là même qui veulent amender la constitution. On nous a parlé de ces 77 articles à amender. Personne ne les connaît aujourd'hui. 9 nouveaux articles et 3 à élaguer. Personne ne les connaît. Que feriez-vous si c'était vous? Je suivrai la procédure normale. J'organiserai un débat sur l'opportunité de réviser la Constitution. Ça, c'est la première chose. J'indiquerai les amendements que je veux amender ou réviser dans la Constitution. Je les soumettrai au débat. Je n'embêterai pas une commission, la CNDI par exemple. Je n'embêterai pas la deuxième commission de penser à quelque chose qui est déjà là, qui est déjà prévu. C'est sur le mandat, c'est le quorum de vote, c'est le renvoi des anciens chefs d'État du Sénat, essentiellement. Donc, je ferai un débat large. Je vérifierai aussi si mes amendements respectent l'article 299 de la Constitution, qui dit que la Constitution ne peut en aucun cas être révisée lorsque cette révision peut porter atteinte à l'unité et à la cohésion du peuple burundais, à la démocratie et à la paix. Léonce Ngendakoumana du parti Sawanya Frodebout au micro de Léonce Vitariho. Nous avons cherché le porte-parole du gouvernement pour réaction, mais sans succès. Certains députés s'indignent que la plupart des lois votées ne parviennent pas à la population qui les a élues. Ils précisent que les lamentations de leurs électeurs ne cessent de leur parvenir et demandent aux autorités habilitées de vulgariser ces lois. C'était ce mercredi lors de l'analyse du projet de loi portant insolvabilité du commerce. En au point avec Gertrude Mawenayo. Pascal Bizumuremyi et Daniel Gelazendavirabe sont certains des députés qui sont inquiétés par le fait que les lois votées ne parviennent pas à la population qui les a élues. Moi aussi, je voudrais ajouter quelque chose en ce qui concerne les lois qui sont votées ici en plénière et qui ne sont pas vulgarisées comme les autres l'ont suggéré. Je donne un exemple d'un vieillard qui m'a demandé la destination des lois que nous votons ici à l'Assemblée nationale. Je voudrais vous demander, Excellence Madame la Ministre, de vulgariser ces lois parce que certains Burundais savaient lire. Nous avons déjà appris que le projet de loi qui passe ici, lorsqu'ils arrivent au ministère, surtout au niveau des communes, il reste là. Les textes sont là, ils ne sont pas vraiment vulgarisés. C'est douteux que la ministre nous ait rassuré de le faire facilement. Inquiétude partagée avec le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui ajoute qu'il y a également un problème de mise en place des textes d'application relatifs aux lois votées et leur traduction en Kirundi, une langue comprise par la majorité de la population burundaise. Toutes ces inquiétudes ont été soulevées ce mercredi lors de l'analyse du projet de loi portant insolvabilité des commerçants au Burundi. Toujours à la Chambre basse du Parlement appelle ceux qui veulent occuper les trois postes vacants au sein de la Commission Vérité et Réconciliation CVR de déposer leur dossier à l'Assemblée nationale à partir de ce vendredi 10 novembre. Dans un communiqué rendu public ce jeudi par la Chambre basse du Parlement, le porte-parole de cette institution énumère les dossiers exigés aux intéressés, dont une lettre manuscrite. Suivez plutôt Alexis Badian d'Ayimbadze. L'Assemblée nationale voudrait informer ceux qui désirent déposer leur candidature les conditions requises aux trois postes. Être de nationalité burundaise, être âgé d'au moins 35 ans révolu, jouir de ses droits civils et politiques, être capable d'impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions par rapport aux positions des partis politiques, ne pas avoir commis des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, être de bonne moralité, et apte à promouvoir la vérité et la réconciliation nationale. En plus des conditions susdites, les candidats à ces postes doivent parler et écrire parfaitement les langues kirundi et français, et la connaissance de l'anglais serait un atout. Le dossier de candidature doient comprendre les documents ci-après. Une lettre manuscrite de motivation adressée à l'honorable président de la commission paritaire ad hoc, maximum 2 pages, curriculum vitae détaillé et actualisé, une photocopie de la carte nationale d'identité, attestation d'identité complète, attestation de bonne conduite vie et mœurs, attestation ou extrait d'acte de naissance, extrait du casier judiciaire, une ou des attestations de service rendues, 3 personnes de référence pouvant être contactées, préciser leur nom et prénom, fonction, téléphone et leur adresse e-mail, attestation d'aptitude physique délivrée par un médecin du gouvernement ainsi que tout autre document jugé utile par le candidat. L'Assemblée nationale du Burundi informe que les termes de référence détaillés pour ces postes peuvent être retirés à l'entrée du palais des congrès de Kigobe de 7h30 à 15h30 tous les jours ouvrables. Ils peuvent être également consultés sur le site web. Les enveloppes sous pli fermés seront déposées à la guérite du palais des congrès de Kigobe à partir du vendredi 10 novembre jusqu'au jeudi 23 novembre 2017 à 16h précises. C'était Alexis Badian d'Ayimbazé, porte-parole de l'Assemblée nationale. Le changement des manuels dans les classes de 7e année à l'école fondamentale ne donne pas de facilité aux parents au moment où cette modification vient après quelques mois de la rentrée scolaire. Suivez ces lamentations d'un des parents d'élèves au lycée Sainte-Famille de Kinama qui demande au ministère de l'Éducation d'attendre le début de l'année prochaine. C'est l'une des parents d'élèves du lycée Sainte-Famille d'Okinama qui se lamente à propos de la modification des manuels scolaires de la 7e année en disant que cette modification vient aggraver la situation financière. Cette mesure de changer ces livres ne nous plaît pas. C'est le gaspillage pour les parents. Nous avons déjà acheté des livres, mais voilà, on nous oblige d'acheter de nouveaux alors que nous sommes dans une situation de pauvreté. Donc, ce n'est pas facile pour les parents. Demandons de garder les livres utilisés auparavant. Selon l'enseignant de la 7e année de cette école, cette modification ne facilite pas les préparations des cours en se basant sur le calendrier scolaire. Le changement de programme en classe de 7e année a perturbé nos travaux parce que on avait commencé l'année et on avait commencé à préparer l'ancien programme. Donc, les préparations des leçons, ça nous perturbe. Et aussi pour les élèves, ça engendre une perturbation parce que les élèves et aussi avaient acheté des anciens livres. Même son de cloche d'Alexis Nyonzima, directeur du lycée Sainte-Famille d'Okinama, selon lui, en tant qu'éducateur, il précise qu'il doit exécuter cette modification, mais le problème se trouve aux parents d'élèves qui achètent ces livres comme question de moyens. Je dois dire que nous avons connu une perturbation du fait que le contenu n'est pas le même que les livres que nous avions bien avant. Mais ici, je dois dire que nous sommes les praticiens, nous appliquons. Nous avons demandé au professeur de pouvoir changer les préparations et de pouvoir enseigner la nouvelle matière. Ils ont préparé la matière à enseigner tout le trimestre. Maintenant qu'il y a un autre livre, justement avec un autre contenu, ces derniers doivent changer la matière. Aussi pour les parents qui avaient déjà acheté des livres pour leurs enfants, ils doivent aussi acheter d'autres livres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Grogne des lauréats du lycée technique communal de Ruyigui, ils réclament les feuilles roses de l'examen d'état édition 2017 pour qu'ils puissent savoir la note obtenue et faire des réclamations comme les autres s'il y a lieu. Le directeur de cet établissement scolaire dit que ces feuilles ne sont pas encore disponibles à son bureau. La direction provinciale de l'enseignement réagit en disant que de telles copies de l'examen d'état manquent encore pour 5 établissements scolaires de la Provence et précise que la question est en cours de traitement par la Commission nationale des évaluations. Jean-Claude Nchimirimana pour les détails. La note obtenue et vérifier s'il n'y aurait pas erreur de correction. Tels sont les propos de certains des lauréats du lycée technique communal de Ruyigui qui réclamaient les feuilles roses de l'examen d'état édition 2017. Ces anciens élèves de cet établissement scolaire disent qu'ils ont réclamé ces feuilles en maintes reprises au dit établissement, mais qu'aucune copie n'a jusqu'ici été remise et n'offusque que pour un seul cours, alors que ces mêmes copies sont disponibles aux autres établissements scolaires il y a de cela 2 semaines. Yasmine Nakartimana, directrice du lycée technique communal de Ruyigui, dit qu'elle attend de son côté que ses supérieurs hiérarchiques fassent parvenir ses feuilles roses dans leur bureau, mais que la seule réponse est reçue jusqu'à présent et que ses copies ne sont pas encore disponibles à la direction provinciale de l'enseignement. Bernard Gassigaye, directeur provincial de l'enseignement à Ruyigui, indique que ses feuilles roses de l'examen d'état édition 2017 reste introuvable pour 5 établissements scolaires de la province Ruyigui. Sans toutefois préciser si ces copies d'examen d'état ne se seraient pas égarées avant ou après la correction, il précise qu'il a déjà soumis la question au bureau des évaluations et qu'on lui a dit que le problème est en cours d'analyse pour une solution appropriée. Jean-Claude Nchimirimana, Ruyigui, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. En bref, la Commission nationale des terres et autres biens comptes clôturés, plus de 2000 dossiers enregistrés comme litiges par la sous-commission de recours. Cela a été dit par le porte-parole de la dite commission lors de la présentation des réalisations de 3 derniers mois. Dieudonné Mbonima a expliqué que ces dossiers risquent de durer plus de 10 ans, d'où les membres de la CNTB ont décidé de renforcer la sous-commission de recours. Elle est passée de 8 à 47 membres pour pouvoir analyser les dossiers de litige dans les plus brefs délais. Et ceux qui sont chargés d'analyser les dossiers sont appelés à être impartiaux. Et l'Office burundais des recettes ne rend plus public ses réalisations trimestriellement comme il le faisait avant. Le commissaire général de cet office fait savoir qu'il s'agit d'un changement de communication puisque cela se fait chaque jour à l'endroit du ministère de tutelle, le ministère des Finances. Oda Senyonzima a souligné en outre qu'il y a une nette amélioration pour la collecte des recettes fiscales de l'impôt locatif en mairie de Bujumbura. Il l'a dit au cours d'un point de presse au cours duquel il a annoncé la célébration de la journée du contribuable en date du 5 décembre prochain. Voilà. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que les juges de la Cour pénale internationale autorisent l'ouverture d'une enquête sur des crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays depuis le 26 avril 2015. Et la radio Isanganiro a débuté ce jeudi la diffusion à 13h30 de ces journaux parliens à Kiswahili. Le directeur de cette station a expliqué qu'il s'agit de répondre à un souhait longtemps exprimé par beaucoup de nos auditeurs et surtout de mieux s'intégrer dans la communauté africaine où beaucoup de gens parlent cette langue. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Jean Dodieu d'Aïsenga pour la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.